démonstration. Nous venons en délégation. Délégation. Faire au patron. Faire au patron. D'exposition. D'exposition. De toutes nos droits. De toutes nos revendications. Revendications. Nous n'admettons pas d'objection. Pas d'objection. Nous exigeons sans restriction. Sans restriction. L'approbation. L'approbation. Et l'adoption. Et l'adoption. De toutes nos de toutes propositions. Propositions. Primo et sans retard, la journée d'une heure et quart. La journée d'une heure et quart. Réduction au minimum, 100 francs par jour et par homme. 100 francs par homme. Repos le samedi, congé le lundi et tous les après-midi. Bon. Au nom de la fédération. Fédération. Nous venons en délégation. Délégation. Faire au patron. Faire au patron. L'exposition. L'exposition. De toutes nos revendications. Revendications. La sensation d'avoir bien rempli notre mission. Plé notre mission. Nous avons sur toutes les questions. Sur les questions. Trouver un terrain de transaction. Et nous avons Sans objection obtenu pleine satisfaction. Satisfaction.